soit pris d'en bas. Vertige des mondes et d'apparat. Traverse les ondes. Ne signe pas comme ça. Répercute la révérence du monde. Mais baisse-toi, tu ne la prendras pas. L'odeur des opinions suffoque. Plus de pétales roses sur nos fronts. La vase que l'on invoque nous retient bien nos pavillons. C'est avec plaisir que je vous offre ce délicieux bouquet de strophes. Y'a que l'effort qui donne raison. Choisis parmi mon bouquet d'opinions. Et comme ça serre la tête, les taux se multiplient, les vices se pincent en fait. Y'a pas d'étau pour la lobotomie. Mais cherche bien, ne singe pas comme ça. Faut pallier tout au commun. L'origine ne chope pas comme ça. Mais quelle magnifique stance, se retrouve en bouquet. Tout se mélange, tout danse. L'eau posée à côté. C'est avec plaisir que je vous offre ce délicieux bouquet de strophes. Y'a que l'effort qui donne raison. Choisis parmi